passer la nuit au fond de ses draps. Mais cette fille, je sais pas si je lui plais. Dans mon équipe, y'avait pas un euro, mais on vivait comme s'il y avait du blé. Devant la daronne, je baissais la tête, mais devant les stars, je suis mal éduqué. J'ai fermé la porte à mon passé, mais juste au cas où, j'ai gardé une clé. Est-ce qu'avec de l'oseille, j'aurais mon peur, rouler dans un gros bolide, un gros moteur. J'ai vu mon père dans un lit d'hôpital et j'ai prié pour qu'il soit plus motard. Moi, je vis dans un monde où tout a un prix, grandir est un luxe. Où sont passés nos rêves et les quelques flocons sur le Velux. Je lève une paille, c'est plus belle quand il faisait nuit plus tard. Quand tu m'aimais encore et quand il neigeait encore. Mais le temps m'a mis dans les vagues, à deux doigts du coma. C'est plus moi qui commande. Et ce soir fonce dès je me rappelle quand il faisait nuit plus tard. Quand tu m'aimais encore et quand il neigeait encore. Mais le temps m'a mis dans les vagues, à deux doigts du coma. C'est plus moi qui commande. Et l'hiver j'allais faire de la luge au parc. Innocence est partie autre part. Mes amis ont grandi, mes parents ont vieilli. Pas de magie pour changer ça. Mes albums de rap préférés en 10 ans. Qu'est-ce qu'on a fait en 10 ans à part courir sur un chemin glissant. J'écoute du son, j'rembobine. Même avec plus de seuil, j'suis toujours dans les mauvaises combines. J'sais que j'peux partir vite sur un coup de destin comme Kobe. J'suis parti bien trop tôt, 18 piges ou peut-être moins. Un soir j'suis rentré chez ma reine, deux disques d'or en main. J'ai mis du temps pour capter qu'il fallait prendre du temps pour soi. Ma vie d'artiste a pris de la place et moi dans tout ça. Un jour c'est sûr j'vais prendre le large et mettre tout ça sous le sable. Mais la vie me paraissait plus belle quand il faisait nuit plus tard. Quand tu m'aimais encore et quand il neigeait encore. Mais le temps m'a mis dans les vagues, à deux doigts du coma. C'est plus moi qui commande. Et ce soir fonce de je me rappelle quand il faisait nuit plus tard. Quand tu m'aimais encore et quand il neigeait encore. Mais le temps m'a mis dans les vagues, à deux doigts du coma. C'est plus moi qui commande.